18 au 22 juillet, c'est le méga week-end de golf au club de Saint-Prime en collaboration avec Toiture Hillman. Participez au concours de Long Drive le vendredi 21 juillet et courez la chance de vous envoler pour Las Vegas. Informations et inscriptions ou pour l'horaire de la fin de semaine, consultez notre page Facebook ou notre site Internet au www.golfsaintprime.qc.ca. Le club de golf de Saint-Prime, 418-251-2831. On va parler de soccer, c'est la chronique du soccer régional, mais on va bifurquer vers le national un peu, mais ce ne sera pas la priorité, on va en reparler plus la semaine prochaine avec notre ami Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean. Salut Benoît! Salut Danny, salut Dan Radio Sport! Et Benoît, on va se parler, c'est pour ça qu'on devait parler du soccer régional, mais on a eu la chance d'avoir Frédéric Laure pour parler du bilan de l'Impact. Mais là, on va revenir au soccer régional, mais par contre, il y a une très grosse nouvelle qui serait sortie à 95%. Je vais aller faire un tour sur RMC Sport pour voir qu'est-ce que nos amis français disent. Mais Neymar, selon le journal L'Équipe, ça a commencé ce matin, serait à 95% réglé avec le PSG. Ce qui est spectaculaire, c'est le montant du transfert, 280 millions. C'est le plus gros transfert de l'histoire du soccer. 222 millions d'euros, en fait. Alors, on parle de ça, là. Ouais. Maintenant, Danny, je vois sur le web qu'on dit qu'il informe ses coéquipiers du PSG, du Barça, qui s'en irait à PSG. Neymar, je pense qu'il y a un défi à relever. Puis le Barça est aussi en... Ça va bouger au niveau de le grand trio qu'on a vu. Messi, Neymar, Suarez, ben faut croire qu'on passe à une autre étape. Et puis, je crois que Neymar a besoin de relever d'autres défis. Je crois qu'il veut être la tête de turc. Il veut être le leader de l'équipe. Je pense pas que ça arrive avec le Barça à cause de Messi qui est là. Puis je crois que Neymar a besoin de ça pour évoluer puis à avancer un peu au niveau de son football. Maintenant, au niveau argent, au niveau cash, mais c'est sûr que c'est des gros montants d'argent. Hey, ça va dépasser le record que l'année passée, c'était Paul Pogba, le Français qui était en tête de liste. Maintenant, ben, on parle d'une autre étape. Mais on parle des grands joueurs de la planète foot. Là, on tombe dans des gens, dans des propriétaires qui sont milliardaires. Alors, c'est quasiment des pour eux, c'est des gens qui ont, c'est des banques pas de fonds, comme on dit. Ben oui, c'est des gens du Qatar, hein, qui ont le PSG. Donc, le Qatar, tu sais comment c'est. Donc, c'est des banques, comme tu as dit, là, une banque pas de fonds. Fait que, il n'y a rien là. Pour Neymar, ce qu'on dit, c'est qu'il est un petit peu tanné de jouer dans l'ombre de Lionel Messi, hein. Ben, c'est ça. C'est exactement ce que je viens de te dire. Je crois que maintenant, pour lui, pour sa carrière personnelle, pour se développer, puis pour prendre peut-être la. Ces grosses têtes-là ont besoin de montrer que ce sont eux le king de l'équipe. Alors, je pense qu'au PSG, il va bien tomber. Neymar au PSG, je crois que ça va être intéressant de suivre ça là, pour la prochaine saison. OK. On va parler maintenant de la Gold Cup. Hier, court commentaire, mon ami Jean Gounel de RDS, que j'ai parlé cette semaine, voyait quasiment le Canada en grande finale de la Gold Cup. Je pense qu'il doit désenchanter ce matin. Oui, j'ai écouté le match hier. Grande déception dès le départ du match, dès l'annonce du 11 partant. Pas de Patrice Bournier, pas de capitaine. Moi, j'aurais bien aimé le voir au moins. On sait qu'il ne reviendra plus avec le Canada, avec la sélection. Mais c'est pas l'argument qui est majeur. Ils ont eu de la difficulté en première mi-temps. Peut-être que Patrice aurait pu aider. Moi, j'aurais bien vu Patrice commencer le match comme capitaine, puis il prenait un 50-60 minutes. Je comprends vraiment pas le sélectionneur. J'ai donné un carton jaune au sélectionneur sur ma page Facebook, parce que moi, j'aurais embarqué Patrice Bernier. Ouais. On dirait encore un autre sélectionneur qui boude Bernier. C'est le même profil de certains entraîneurs qui ont passé à l'Impact de Montréal. Mais qu'est-ce que tu veux? Maintenant, il faut gagner la game. Le sélectionneur a probablement pensé avec... a vu peut-être Patrice ralentir au niveau de son âge puis tout ça. On peut pas controverser ça. Maintenant, ben, une défaite de 2-1. Et la deuxième demi, par contre, le Canada a eu plusieurs chances. Moi, je pensais qu'on allait être capable de passer la Jamaïque. Faut saluer Samuel Piet, le Québécois, qui a joué un très bon match. Est-ce que l'Impact va s'intéresser à ce joueur-là dans les prochaines semaines? J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont retourner en Espagne. Moi, je pense qu'il va continuer son parcours en Espagne. Je lui souhaite quasiment. Et il reviendra avec l'Impact un peu plus tard dans sa carrière. OK. Donc, on va surveiller ça de très, très près. Soccer régional. Donc, on va commencer avec les différents régional, Danny. Il y a différents classements, mais si tu veux qu'on commence par la classe la plus âgée, le senior masculin, si on regarde au niveau du senior masculin division 1, c'est Chicoutimi, le Chinook, qui est en tête devant l'équipe de l'Abbé. Tu as le FC Robertval qui est en troisième place. On sait que le senior division 1, il y a quatre équipes. Donc, présentement, ça joue entre ces trois équipes-là. Dans la division 2, on a l'équipe de Boreal d'Alma qui n'a pas subi la défaite encore. C'est une équipe qui aurait pu jouer en division 1, mais ils ont choisi d'aller en division 2 pour se préparer pour probablement l'an prochain. Donc, ils n'ont pas subi la défaite en 10 matchs. T'as l'équipe de Saint-Félicien qui est en quatrième position. Ça, c'est la division 2 du senior masculin. Si on va en division 3 senior masculin, au niveau des classements un petit peu... T'as l'équipe de l'Abbé qui est en première position. L'équipe de Dolbeau-Mistassini est en deuxième position, là, dans la division 3 masculine. Donc, peut-être une vue pour la deuxième division l'an prochain. T'as une équipe de Robertval United en cinquième position. Donc, ça fait le tour du senior un peu. Tu sais qu'il y a trois divisions senior. On parle d'à peu près 20-25 équipes en tout. Maintenant, au niveau féminin, si on fait le tour du senior, parce que le senior, c'est quand même les catégories adultes. Donc, senior féminin, division 2. C'est une division 1 qui est une division 2. T'as Chicoutimi et Alma il y a deux équipes à cela. Eux, ils vont jouer des matchs contre les divisions 2. C'est assez serré dans leur classement. C'est égal. Ils sont en co-ex-co. La division 2, du senior féminin encore, on parle du Mistral de Jonquière en première position. T'as une équipe de Saint-Gédéon en troisième position. Au niveau du haut du lac, t'as l'équipe de Saint-Félicien en quatrième position et l'attaque de Saint-Prime en sixième position. Donc ici, dans la division 2 senior féminin, on va essayer de reconstruire pour remettre en place la division 1 qui a seulement deux équipes cette année. Et si on va dans la division 3 du senior féminin, t'as une équipe du haut du lac qui est en quatrième position, l'équipe de Saint-Félicien. C'est l'équipe de l'Alma qui mène le classement. Si on va un peu dans le U16 masculin, un tour de piste rapide. Il faut pas oublier, Danny, qu'il y a les équipes du Québec Métro aussi qui évoluent. T'as le U16 masculin, le Chinook de Chicoutimi qui performe très bien présentement. T'as le Boreal féminin d'Alma qui est en troisième position et les autres équipes sont en bas de classement. Donc, U16, t'as l'équipe de Dolbeau-Mistassini qui est en troisième position, mais il y a seulement trois équipes, pour rappeler, dans le U16. Quand on arrive en catégorie U16, il y a un petit peu moins de joueurs. De Saint-Félicien en deuxième position. Donc, on a trois équipes du Lac-Saint-Jean dans le U16 masculin. Et si on va dans le U16 féminin, t'as Robertval en première position qui ont pas subi la défaite encore. Oui, ils ont une défaite, mais ils ont 9 victoires. Dolbeau-Mistassini est en deuxième position dans le U16 féminin. Et Saint-Félicien est en troisième. Donc, dans ce qui ferme le classement du U16. Si on va dans le U14 masculin, on va se rendre à U14 féminin. Saint-Félicien est en première position dans le U14 masculin. Suivi de d'Alma en deuxième. T'as Robertval en troisième position. Dolbeau-Mistassini ferme la marche en dernière position avec aucune victoire en 8 matchs. Donc ça, c'est dans le U14 masculin. Et pour un peu terminer nos classements régionaux, dans le U14 féminin, c'est Robertval qui est en... On t'a perdu, Benoît. ...première position. Ils m'ont perdu dans le U14 féminin. Est-ce que tu m'entends? Oui. Est-ce que tu m'entends? Donc, ça ferme la porte du U14 féminin. Comme je te disais, c'est Roval qui est en première position au niveau du U14 féminin. Okay. Ça fait un peu le tour de table des catégories U14, U16 et senior là, du Saguenay-Lac-Saint-Jean au niveau soccer régional. Bravo, Benoît. Puis on se reparle la semaine prochaine avec le tour de complet. Maintenant, on va parler de l'impact et du mercato. Donc, on rappelle la grosse nouvelle ce matin. Neymar qui s'en vient avec le PSG confirmé à 95% selon l'équipe. Benoît, gros merci, oui. On s'en parle prochainement. Yes, salut, merci. Benoît Lavoie d'EspaceSoccer.com, la référence du soccer au Saguenay-Lac-Saint-Jean.